Chapitre 23. Les aveux. Légèrement décoiffée, mais calme et souriante, celle que Jim avait toujours connue sous le nom de Miss Smith s'adressa à l'inspecteur Lepic. « Je crois, monsieur l'inspecteur, que l'identification est devenue inutile. Cette jeune fille, et elle désigna Maya, est en effet Meg Walker. Je suis prête à tout expliquer. » « Je vous préviens, » dit l'inspecteur Lepic, « que toutes vos déclarations seront enregistrées et pourront renforcer l'accusation. Je le sais, mais je suis bonne joueuse. J'ai perdu la partie. Je veux au moins m'en aller en beauté. D'ailleurs, » et elle promena un regard souriant sur l'assistance, « le moment est admirablement choisi pour les aveux. J'ai un auditoire d'élite. Vous permettez ?» Elle s'installa dans un grand fauteuil auprès du bureau. « Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur l'inspecteur, de l'affaire Vaulieu et de Leïa, la complice du fakir Rana, qui lui servait de médium et qui s'était échappée avec lui. C'est moi. » L'inspecteur Lepic la regarda avec une certaine admiration. « Enchanté de vous retrouver, madame. » « Moi de même, monsieur l'inspecteur. Je sais que la première fois, la durée de nos relations a été trop courte à votre gré. Jules et moi avons réussi à nous enfuir au Havre et à nous embarquer pour New York avec les bijoux de la marquise. » « Vous avouez la Doucette ?» demanda l'inspecteur. La Doucette Zerga fit un geste d'indifférence. « Ça m'est égal, puisque la cheftaine est prise, tout est fou. J'ai connu Jules, poursuivit-elle, à la foire du trône. Il était chiromancien ambulant. Une vieille bohémienne lui avait donné quelques notions de la chiromancie. J'ai immédiatement vu qu'il était doué de capacités hors ligne. J'ai eu l'occasion d'étudier à fond l'hypnose, le magnétisme, le spiritisme, la chiromancie et la psychopathologie. J'étais à ce moment-là secrétaire d'un financier belge. Vous vous rappelez le vol des boucles d'oreilles de Madame Flessen ? J'avais les moyens de faire poursuivre ses études à Jules. Plus tard, elles m'ont rapporté plus qu'elles m'ont coûté. Un ami à moi, un persan, a complété son éducation. J'ai lâché le grand monde pour devenir médium du fakir Rana et nous avons fait du théâtre. Nous avons commencé modestement par les établissements de province et de banlieue. Ensuite, grâce à certaines de mes relations à Paris, nous avons obtenu un engagement à l'Empire. C'est là que nous avons tenté le grand coup. Rana a hypnotisé la marquise de Vaulieu qui nous avait invités à donner une représentation privée chez elle. Vous savez le reste. À New York, Jules a pris le nom de Zerga Rachid Sacrabet. Nous avons loué un bel appartement. C'est là que nous avons inauguré le système des travestis. Je me donnais pour une femme du monde, une riche étrangère de passage à New York. Je réussissais à m'introduire dans les milieux les plus fermés et je chuchotais à l'oreille de telle vieille ou telle jeune dame les merveilles du grand maître Zerga. Ce qui nous a lancé, c'est l'histoire du diamant de la duchesse de Rochester. Je le lui avais dérobé à un bal et peu après, en la rencontrant de nouveau, je lui ai suggéré l'idée de s'adresser au célèbre voyant. Nous nous sommes arrangés pour que le diamant soit retrouvé dans un repère. Les bandits s'étaient naturellement échappés. Et depuis, la duchesse ne faisait rien sans consulter Zerga. Nous avons eu la plus belle clientèle d'Europe et d'Amérique. Ces dames ont marché comme un seul homme. J'assistais toujours aux consultations en ma qualité de médium. Elles nous révélaient les secrets les plus intéressants sur leur vie privée et sur celle des autres. Grâce à elles, nous avons réussi des coups uniques. La ceinture de pierres précieuses de la danseuse Elise Lee, les 50 000 $ dérobés au banquier Phillips, le vol des documents de l'attaché de la légation de Grèce, toutes ces affaires restées mystérieuses sont notre œuvre. Nous étions en contact avec tous nos collègues internationaux. Elle désigna Jamiresco, et il nous chargeait souvent de commissions intéressantes que nous étions bien placés pour exécuter. Nous avons dressé nos hommes à la perfection. Un jour, une de nos clientes nous adressa une jeune fille nommée Meg Walker. Un frisson courut dans l'assistance. Cette charmante enfant était sur le point de s'embarquer pour l'Angleterre. Elle venait de recevoir de sa vieille tante, qui l'attendait à Guildford, une lettre très grave. Miss Marianne Lake se sentait assez mal et craignait de mourir avant l'arrivée de sa nièce. Pour parer à toute éventualité, elle lui confiait, dans cette lettre recommandée, un secret de famille très important. Elle était en possession d'un collier de perles d'une valeur immense, le fameux collier du Maharaja, légué par le colonel Lake. Persuadés que cette richesse indue leur porterait malheur, ces braves gens n'en profitaient pas. Ils gardaient le collier dans un coffre-fort de la National Provincial Bank Limited et rarement, dans les cas de besoin extrêmes, ils se décidaient à en vendre une perle. De la sorte, le collier était presque intact. Miss Lake, expliquant tout cela à sa nièce, la laissait libre, quand elle hériterait du collier, d'en user à sa guise. La chère petite, torturée par l'indécision, était venue consulter le voyant. Fallait-il suivre l'exemple de ses aînés et ne pas toucher au collier du Maharaja? Ou était-elle en droit de le vendre afin de fonder un orphelinat à Guildford? Au début, elle n'usa que de termes voilés, mais Erga flaira une affaire intéressante et tenta doucement de l'endormir pour la faire parler. Elle se laissa hypnotiser comme un agneau. À cette occasion, nous nous aperçûmes qu'elle était un sujet admirable, d'une sensibilité exceptionnelle, d'une intuition rare, entrant en transe à la moindre suggestion. Notre projet primitif était de la supprimer, mais mon départ occasionnerait un vide. Un bon médium n'est pas facile à trouver, et nous décidâmes de la garder. Quant à moi, je jouerais son rôle, j'adopterais sa personnalité. Je l'avais étudiée pendant quelques heures, et j'étais certaine d'avoir fait le tour de son âme. Chance exceptionnelle, nous avions, extérieurement, une ressemblance indéniable. Dès que mes cheveux furent teints d'un blond plus clair, cela devint frappant. Zerga la réveilla et la laissa partir, après nous être assurés de la date de son départ et du fait qu'elle serait seule sur le paquebot. Nous nous embarquâmes également, sans qu'elle le sût. Dès qu'elle descendit dans sa cabine, nous l'y rejoignîmes. Pour plus de sûreté, nous prîmes du chloroforme. L'échange fut facile à opérer. Maya, le médium du maître, avait le mal de mer et restait étendue dans sa cabine, soignée par Jane. Moi, le soir même, habillée d'une de ces petites robes blanches qui m'allaient à merveille, je dînais dans la salle à manger du paquebot. À la fin de la traversée, un officier de l'équipage me fit une proposition de mariage. C'était un hommage à mon talent. Elle s'arrêta un instant, rêveuse, puis reprit. « Vous ne me croirez pas, je sais, mais j'ai joué ce rôle avec un plaisir indicible. Ce n'était peut-être pas tout à fait un rôle. J'ai eu une affection sincère pour tous ceux que j'ai rencontrés dans ma nouvelle vie. Je connais toutes les capitales du monde, mais ma ville préférée est Guildford. Elle m'a admirablement reposé de mon passé. Quand j'y suis arrivée, Miss Lake se sentait beaucoup mieux et n'était pas encore à l'article de la mort. Il fallait être prudente et patienter. Mais ces mois d'attente ne m'ont point paru longs. En vérité, j'ai passé des vacances exquises au cottage de Farnham. Je puis d'ailleurs affirmer, sans me vanter, que ça a été le plus beau temps de la vie de Miss Lake. Mais elle-même n'aurait pas fait mieux. Ses prévenances ne m'ennuyaient pas. C'était une vieille dame charmante. J'ai eu beaucoup de peine quand j'ai dû la tuer. « Tante Mariam est tuée ?» s'exclama May Quaker avec un frisson d'horreur. « C'est vous qui l'avez tuée ?» demanda l'inspecteur Leeds. L'épouse de Jonathan Smith fit de la tête un signe affirmatif. « Oui, c'est moi. Je le regrette beaucoup, mais il nous fallait le collier. » Au bout de 10 mois de séjour, j'ai réussi à la convaincre, elle était, comme vous le savez, très craintive, que le coffre-fort de la National Provincial Bank Limited n'était pas un lieu assez sûr. Je me suis servi, comme argument suprême, d'un vol important que Zerga venait de réussir dans une banque de province. En même temps, je lui fis reprendre son testament, sous prétexte d'ajouter un leg à la cuisinière. Dès que le collier s'est trouvé dans la maison, dans une cachette que nous avions choisie ensemble, il a fallu agir. Un de nos hommes, déguisé en maraudeur, s'est rendu à Guildford pour détourner les soupçons. Le soir, il a attendu sous la fenêtre. Nous nous couchions toujours à 10 heures. À 10h30, j'ai frappé à la porte de tante Marianne. Je lui ai dit que j'avais la migraine et que je venais chercher un cachet. Elle était déjà dans son lit. Je me suis penché pour l'embrasser et j'ai enfoncé le poignard. Je perds toujours avec un petit poignard que j'affectionne beaucoup. Vous le retrouverez parmi mes vêtements. C'est le souvenir d'un pacha turc. Puis, j'ai ouvert la fenêtre. Mon auxiliaire est monté. Il a laissé partout les traces de ses pas et ses empreintes digitales. Et il est parti pour Londres, chez Zerga, dans une voiture qui l'attendait sur la route, en emportant l'arme, les petits bijoux, les 30 livres et le collier du Maharaja. Je comptais rester encore 2 ou 3 semaines à Guildford, puis partir pour Londres, à la recherche d'une place de gouvernante, croiraient mes concitoyens de Guildford. Mais Jonathan Smith a changé tous mes projets. « Pourquoi avez-vous épousé Jonathan Smith ?» demanda l'inspecteur Leeds, en la fixant d'un regard perçant. Elle sourit. « Monsieur l'inspecteur, j'espère que vous ne doutez pas de la parfaite honorabilité et de la parfaite candeur de mon mari. Je l'ai épousé pour plusieurs raisons. La première était l'alibi magnifique qu'il m'offrait. Je venais de faire un coup dangereux et nous en avions plusieurs autres en perspective. À qui pourrait-il venir l'idée de me soupçonner ? Jonathan Smith était un paravent idéal, dont on pourrait se défaire quand on voudrait. Et puis, elle hésita. Vous ne me croirez encore pas, mais j'ai eu plaisir à convoler en juste noces avec ce bon Joe. Il y avait une saveur extrême à être en même temps chef d'une bande criminelle internationale et épouse du chef constable de Guildford. Les premiers temps, c'était un peu dur. J'étais confiné dans notre cottage et je ne pouvais sortir qu'avec les plus grandes précautions. Mais la tante de Joe, Miss Sarah Smith, m'a bientôt fourni une issue. Elle s'est prise d'affection pour moi. Je lui lisais à haute voix les romans de son amie, Miss Esther Bell. J'ai toujours aimé mes tantes. Celle-ci était moins gentille que tante Marianne, une vraie Smith. Aussi ai-je eu moins de regrets à la sacrifier. Je l'ai peu à peu rendue à moitié folle par des excitants différents et des doses de chevaline de Véronal que je glissais dans son thé et dans son potage, et je l'ai persuadée d'aller faire un séjour dans un sanatorium de la Suisse, en ma compagnie bien entendu. Je me suis arrangée pour que Joe, ce jour-là, ne puisse nous accompagner à la gare pour nous mettre dans le train. Dans le taxi, j'ai chloroformé la tante. Zerga m'attendait chez lui, et ça a été vite fait. De Suisse, un ami envoyait à Joe des lettres écrites d'avance. J'ai passé à Monte-Carlo un mois qui m'a changé de Guildford. J'ai porté tous les soirs le collier du Maharaja. Plus tard, il restait trop peu de perles. Maintenant, elles sont toutes vendues, dispersées dans le monde entier. Mais, peut être tranquille, le dilemme ne se pose plus pour elle. L'angoisse sans secret de famille des legs a cessé d'exister. Le collier du Maharaja ne lui sera plus funeste. C'est à moi qu'il a porté malheur. » Avec un sourire, empreint d'une douce résignation, elle pencha son visage délicat. En revenant de Suisse, Miss Sarah Smith, ou plutôt notre ami Tom, grim et acteur émérite, s'est installé à Londres. Sur les instances de Joe, j'allais très souvent soigner notre tante et notre héritage. Pauvre Joe, il ne se doutait pas que ce dernier disparaissait peu à peu. J'allais à Londres 2 fois par semaine. Souvent, j'y passais quelques jours. J'étais très satisfaite de mon existence. Londres me désennuyait de Guildford et Guildford me reposait de Londres. Après les nuits dans les fumeries d'opium de Chinatown, au Limehouse, sur les docks, après les excursions de 48 heures à Dieppe ou à Paris, le retour dans notre petit cottage était délicieux. J'adore les travaux de ménage, la couture, la cuisine. Ça me rappelle mon enfance. Et puis, il y avait les week-ends avec Jim. Jim était si honnête. Il avait si peur de troubler ma pureté cristalline. C'était si bon de se sentir petite fille. À la fin, j'ai senti qu'il était temps de sacrifier mon pauvre vieux Johnny. Je devais rester veuve et seule au monde pour que Jim offrît de me protéger. Pour séduire Jim, il fallait aussi des circonstances romanesques. Je croyais que l'affaire des collectionneurs, que nous avions soigneusement préparée, m'en fournirait l'occasion. Mais le résultat a dépassé mes intentions. « Sœur Patrick !» Sœur Patrick, très pâle, serra silencieusement les lèvres. « Sœur Patrick nous en a donné l'idée. Quand il est venu s'installer au White Manor avec sa femme, Peggy O'Trundle, qu'il avait connue en Irlande, où elle tenait une hostellerie, jadis elle avait été cuisinière, mais elle savait faire les affaires, et avait fait fortune avec son auberge sur la route. J'ai tout de suite flairé le gibier. Le pauvre Sir Patrick tâchait de se désennuyer avec ses chiens et ses collections, mais sa femme lui portait sur les nerfs, bien qu'elle eût payé ses dettes et qu'elle l'adorât. Une fois, que j'assistais chez Lady Gwendoline, c'est ainsi qu'elle se fait appeler, à la séance du comité de bienfaisance des dames de Guildford, je vis entre les mains du châtelain un livre sur le crime, ouvert à la page traitant de crime et génie. Cela me suffit pour entrer en relation avec lui. Étant membre de la Chambre des Lords, il se croyait tout désigné pour le rôle de génie criminel. Vous savez, dans les romans de Jim Joy, les chefs de bande de malfaiteurs sont tous députés. Voyez à la dernière page. Nous avons fait croire à Sir Patrick qu'il deviendrait le dictateur des bas-fonds de l'Europe, et nous lui avons suggéré, en attendant, d'acheter le plus possible de bijoux anciens de valeur, sans les payer bien entendu, et de soulager Peggy de sa fortune. Jamertal, de son côté, en faisait autant pour les médailles. Après avoir empoché autant de bijoux, de médailles et d'argent que possible, il simulerait un enlèvement. Pour rendre la chose plausible, nous avons décidé d'enlever quelques collectionneurs authentiques. Pour cela, il n'y avait pas moyen de truquer leur collection, mais nous avons pu nous en emparer quand même. Dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, Maya nous a été d'une utilité énorme. Les services que nous a rendus cette petite sont inouïs. Elle n'était d'ailleurs pas encombrante. Les premiers temps, elle se cabrait, mais l'hypnose eut vite raison d'elle. En fin de compte, elle a complètement oublié sa propre identité et son vrai nom qu'elle n'entendait jamais. On a coupé et teint ses cheveux et épilé ses sourcils. Elle ne se reconnaissait pas elle-même dans la glace. En dehors des rôles qu'elle jouait et des transes de médium, elle restait plongée dans une léthargie que nous entretenions par des narcotiques. Si Jim ne l'avait pas rencontrée, mon plan aurait parfaitement réussi. « Qui a tué Miss Esther Bell ?» demanda l'inspecteur Leeds. « C'est encore moi. Que voulez-vous ? J'avais la spécialité des vieilles dames. Celle-ci menaçait de déranger mes projets. Je suis navré d'avoir privé la postérité d'une demi-douzaine au moins de romans immortels, mais je ne pouvais agir autrement. Je me suis blessé moi-même, exprès avec mon poignard. Je suis très adroite, je manie proprement mon arme et je me suis fait une jolie blessure sans danger. Puis, je me suis étendu près de cette pauvre Miss Bell. J'avais avalé une forte dose de chloral pour paraître évanouie. Quand je m'y mets, je fais bien les choses. Pourquoi avez-vous organisé votre propre enlèvement ? À cause de Jim. La situation devenait dangereuse. Il fallait en finir. J'avais inspiré à Jim des soupçons à l'égard de Jonathan. Il fallait qu'il fût affolé à mon sujet et prêt à me sacrifier Maya. De toute façon, je ne risquais rien. Même si Maya avait repris conscience et révélé quelque chose, Jim n'eût pas su mettre la main sur moi. Mais si, comme c'était probable, il ne savait rien, le reste serait facile. On nous enlèverait tous les trois. La pauvre Maya succomberait, ainsi que Wentworth, Mirandello et ce bon sœur Patrick qui commençait à nous encombrer. Jonathan serait tué au cours d'une rixe sanglante. Jim et moi réussirions par miracle à nous échapper, et il emporterait, évanoui dans ses bras, la fragile victime, veuve d'un sombre bandit. Jules Jenkins, qui m'a beaucoup aidé ces derniers mois, la moitié des hommes du chef constable était à moi, s'occuperait des affaires courantes. Mon plan si bien réglé a échoué. Que voulez-vous? C'est de ma faute. Je n'ai pas pris les choses suffisamment au sérieux. Mon mari l'a souvent dit, l'ironie est la mère de tous les vices. Laissant tomber sa tête blonde, elle se tut. « Vous avez omis, dit l'inspecteur Lepic, de nous dire votre nom. Tiens, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Mon nom n'a rien d'exotique. Je ne m'appelle pas May Smith, mais je m'appelle Mary Brown. Je suis née à Westgate-on-Sea. Ma mère est directrice d'une pension de jeunes filles et mon père, professeur de psychologie. Si papa n'avait pas eu tant de livres sur le crime, les criminels, les phénomènes de dédoublement, les vies parallèles, je ne serais peut-être pas devenue ce que je suis. Mais je ne regrette rien. De toute façon, vivant à Westgate-sur-Mer, j'aurais dû partir. Ma fenêtre donnait sur la mer. J'entendais les sirènes. Partir. À 16 ans, je suis partie. 16 ans encore ont passé depuis. J'ai 32 ans. On ne le dirait pas, n'est-ce pas? Voilà ce que c'est qu'une hygiène bien comprise. La vie à Guildford m'a rajeunie. Au fond, mes Quakers et moi, nous avons la même âme comme la même figure, celle de nos grands-mères du temps de la reine Victoria. Mais elle n'en a qu'une seule, et moi, j'en ai plusieurs autres. Au fond, c'est bien cette âme provinciale aux yeux bleus qui m'a perdue. C'est elle qui m'a inspiré mon faible pour Jim. J'ai toujours dit, grommela la Doucette, que ton ridicule béguin pour ce blanc-bec nous perdrait tous. Sans rancune, mon vieux Julot. Il t'a coûté la barbe et la vie, je sais. Mais toi aussi, tu avais ton béguin. Tu voulais revoir ton Paname et la rue de Crimée où tu es né. Tu as quand même plus de chance que moi. Tu seras guillotiné et moi, pendu. Après tout, pourquoi pas? La pendaison vous a une petite saveur médiévale. Selon toutes les règles du roman policier, je devrais maintenant me suicider. J'appartiens à une bonne famille, mes pauvres parents sont en vie, et il ne me reste qu'à porter à mes lèvres un anneau contenant un poison immédiat et mystérieux. Mais d'abord, je n'en ai pas, et ensuite, je veux goûter la vie jusqu'au dernier moment. Peut-être réussirai-je à m'échapper. « Vous ne réussirez pas, madame, dit courtoisement Leeds. Comptez sur moi. Eh bien, dans ce cas, je vivrai les derniers moments d'une condamnée à mort. C'est une sensation que je n'ai pas encore éprouvée. Mais auparavant, je voudrais savoir une chose. Vous avez eu ma confession. Me sera-t-il permis de poser une question à mon tour? Parlez, dit l'inspecteur Leeds. Comment a-t-on réussi à nous prendre? En partie, grâce à Jamertal. Mon collègue Lepic et moi avions certaines préventions contre lui, comme vous avez pu vous en apercevoir. J'avais reconnu Jamiresco et je me doutais que son enlèvement était simulé, de même que celui de Sir Patrick. Dans l'appartement de Jamiresco, à Londres, j'ai trouvé un fragment de lettre révélant qu'il était à Paris. L'inspecteur Lepic, qui avait des renseignements sur lui, a réussi à retrouver sa piste et à lui poser un piège sous forme de vente d'un des tableaux du comte di Mirandello. Il s'est laissé prendre et nous l'avons filé. De toute façon, nous aurions trouvé cette maison, fait une perquisition et découvert pas mal de choses. Mais peut-être serions-nous venus trop tard pour sauver la vie des innocents. Et vous-même, madame, n'auriez jamais été démasquée sans monsieur Fred Blake qui est venu nous prévenir hier dans la journée. Le même soir, nous avons posté nos hommes autour de l'hôtel d'Oxford et Cambridge. De cette façon, vous ne pouviez nous échapper. Mais par quel moyen, Blake, êtes-vous arrivé hier à Paris? Vous êtes pourtant resté avec les pêcheurs quand Jim a pris le train à La Rochelle. Très simple, madame. Jeannette Perry et moi, nous nous sommes rendus sur l'aérodrome militaire près de La Rochelle. Un avion était prêt à partir pour Paris. Par une chance inouïe, le capitaine d'aviation s'est trouvé être un ancien camarade avec qui nous avions volé bien des fois. Quelques heures après, nous étions à Paris et avertissions la police. Mais puisque vous avez pris vos dispositions pour me filer dès que je sortirai de l'hôtel, c'est qu'avant même que May Quaker se souvînt de son nom, quelqu'un a dû me deviner. Qui? Ce n'est pas Jim, il m'aimait trop. Ce n'est pas cette petite Perry, elle est trop littéraire. Ce n'est pas vous, Blake, vous n'êtes pas assez intelligent. Ne prenez pas la mouche. Vous me plaisez tel quel. Vous avez le même genre que Jim. Je suis désolé de vous avoir blessé. Heureusement, ce n'est qu'une égratignure. Mais dites-moi quand même, qui m'a deviné? C'est une femme de tête. Parmi les pêcheurs, il s'en est trouvé une qui a réfléchi à l'affaire. Elle a remarqué que les cheveux de mai se décoloraient aux racines, et elle en a conclu qu'en réalité, elle était blonde. D'autre part, elle vous entendait appeler « mais la blonde ». Elle était profondément, instinctivement convaincue de l'innocence de Maya. Le fait qu'elle était blonde, blonde comme vous, et qu'on avait pris la peine de teindre ses cheveux, la fit réfléchir. Pourquoi Maya tressaillait-elle et sortait-elle de sa torpeur dès qu'on appelait May ? Autre chose encore, il était indéniable que chaque fois que Jonathan Smith apprenait un secret, les bandits en étaient avertis. Mais quand Jonathan savait une chose, vous le saviez aussi. On pouvait vous soupçonner au même titre que lui. De tous ces faits, Anne Guernec a tiré les déductions logiques. Avec le bon sens populaire, elle a deviné la réalité. Mary Brown soupira. Après tout, ça vaut mieux pour Jim. Il croyait désirer des aventures, mais en réalité, il n'en voulait pas. Il est fait pour les écrire, pas pour les vivre. Ce qu'il adorait à travers moi, c'était le cœur ingénu et candide de Meg Walker. « Trêve de parole, » dit l'inspecteur Lepic. « Préparez-vous à me suivre. » « Je suis prête, monsieur l'inspecteur. Un petit moment encore. Quelques mots d'adieu à mes proches. » Elle se tourna vers Jonathan Smith. « Joe, ne faites pas harakiri. Donnez votre démission. Prenez un autre nom. Le vôtre deviendra célèbre dans toute l'Angleterre. Allez dans un petit village d'Écosse, pêchez à la ligne, collectionnez les timbres-postes et épousez la fille de l'épicier. Vous serez encore heureux. Mais jamais, Joe, » sa voix douce trembla, « jamais vous ne trouverez une femme qui vous grillera les toasts comme moi. » Les yeux humides, Mary Brown leva son regard ingénu sur Jim et May. « Mes enfants, je vous bénis. Si je n'avais pas les menottes, j'élèverais les mains. Mais ça ne fait rien, le cœur y est. Ne craignez pas de ténébreuses vengeances de ma part. La seule chose que j'ai toujours recherchée, c'est mon agrément personnel. Quand il fallait y sacrifier de braves gens, j'étais obligé de le faire, mais mon affection pour eux n'en était pas diminuée. Ménagez-la, Jimmy, c'est une sensitive. Aimez-vous bien, mes enfants. Il n'y a que deux choses au monde qui rendent la vie supportable, l'amour et l'humour. Si vous avez le premier, j'ai le deuxième. Autrement, comment aurais-je pu rester 3 ans avec Jonathan Smith sans en mourir ?»